Yassai, pour tous les militants de terrain, Yassaya, tous les activistes, right? Kalashnikov, Kalashnikov. Pour tous mes militants, mes soldats dadada, tous mes rude boys dans la danse, pour tous mes warriors, pour tous mes militants, mes soldats dadada, tous mes rude boys dans la danse, pour tous mes warriors, pour tous mes militants, mes soldats dadada, tous mes rude boys dans la danse, pour tous mes warriors, pour tous mes militants, mes soldats dadada, tous mes rude boys dans la danse, pour tous mes warriors. Nous sommes des rude boys, prêts à tout déchirer. Nous sommes des soldats, la mort ne nous fait pas flipper. Nous sommes des rude boys, entraînés, déterminés. Nous sommes des soldats, politiciens et effrayés. Nous sommes des rude boys, prêts à tout déchirer. Nous sommes des soldats, la mort ne nous fait pas flipper. Nous sommes des rude boys, entraînés, déterminés. Nous sommes des soldats, politiciens et effrayés. Trop d'injustice nous pousse à s'armer, de tous les vices mis à notre portée. Et même si la police est de manière musclée, continue sans répit à nous surveiller. On se laissera pas faire, la révolte a commencé. Car à toi, aux fonctionnaires, les sondages sont déchaînés. Là devant ton ministère, qui va bientôt brûler sous les flammes de l'enfer, et tu l'auras mérité. Nous sommes des rude boys, prêts à tout déchirer. Nous sommes des soldats, la mort ne nous fait pas flipper. Nous sommes des rude boys, entraînés, déterminés. Nous sommes des soldats, politiciens et effrayés. Nous sommes des rude boys, rude boys, rude boys, rude boys style et nos rude boys. Rude boys, rude boys, rude boys style. Comment être manipulé par des multinationales pour plus de productivité, tout ça est un vrai scandale. Les riches vont y gagner, pour eux c'est phénoménal. Les pauvres ont qu'à crever, c'est tout à fait normal. On lâchera pas l'affaire, eux aussi vont y passer. Sous les jets de pierre, des prolos déterminés, prêts à battre le fer, défendant leurs intérêts. Un jour ou l'autre, la roue va tourner. Continuez le combat, Babylone ne peut gagner. Combattons jusqu'à la mort pour ne pas le regretter. Les politiciens ont tort à nous de leur démontrer. Jamais je pourrai me taire, même si je dois crever. À tous les volontaires, prêts à s'unifier contre la misère qui nous fait gerber. Sur la planète, l'injustice sera supprimée. Nous sommes des rude boys, prêts à tout déchirer. Nous sommes des soldats, la mort ne nous fait pas flipper. Nous sommes des rude boys, entraînés, déterminés. Nous sommes des soldats, politiciens et